Depuis je suis trop complexé, avec toutes mes idées plus ou moins bien placées. Quand je vais chez le boulanger, on me prend pour une baguette. D'ailleurs on m'a déjà dit, salut bon baguette. Mais où sont tes tablettes? Tu casserais pas une miette? S'il te plaît, viens me réconforter. Gentille fille, beau minois, tu vas bien me décomplexer. Me décomplexer. S'il te plaît, viens me réconforter. Gentille fille, beau minois, tu vas bien me décomplexer. Me décomplexer. Les meufs c'est mal barré, j'arrive plus à trouver un cas désespéré, j'suis prêt à m'exiler, j'suis même prêt à trouver dans un supermarché. Plus champion encore hein. Jeune demoiselle recherche une femme mortelle qui puisse me donner des ailes pour voler, c'est plus pratique. Et puis aussi une échelle, bah oui, pour monter au 7ème ciel. S'il te plaît, viens me réconforter. Gentille fille, beau minois, tu vas bien me décomplexer. Me décomplexer. S'il te plaît, viens me réconforter. Gentille fille, beau minois, tu vas bien me décomplexer. Me décomplexer. Tu fais entre 20 et 98 kilos. Entre 1m10 et 2m10. Ton petit copain t'a délaissé? Alors mon MSN c'est alain@thepierrechartsfamily.com. PS, merci Diams pour l'idée. Des matins comme ça, tu te lèves, t'as une trique de ouf, tu te poses plein de questions sur la vie. Pourquoi tu te fais pas une petite branlette? Pour être le moins malheureux possible? En fait, ta quéquette qui gratte, ta mère qui se fait prendre par le voisin, ton père il est avec une traînée, tu demandes de l'aide à ta queue, puis t'attends que ça aille mieux. Après je lâche prise. Moi je sais que tous ces matins-là, la seule chose qui me maintienne en vie, c'est moi.